Oui, bonjour mes frères et sœurs. En ce lundi, nous entreprenons le sixième chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, nous allons lire dans notre texte ce matin que nous travaillons avec toi. Quel privilège. Travailler avec le Créateur du monde. Travailler avec le Sauveur du monde. Travailler avec le Roi du monde. Le Seigneur du monde. C'est un privilège. Donc, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à toujours mieux comprendre avec qui on travaille, à quoi on travaille, afin que tu retires toute la gloire, l'honneur, la louange qui t'est due. Guide-nous par ton Esprit Saint, car sans lui, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Amen. La deuxième épître aux Corinthiens. J'espère que vous commencez à comprendre de plus en plus le contexte. Il ne faut pas oublier, jamais oublier notre contexte quand on étudie un livre. Dans notre contexte de 2 Corinthiens, l'Église est sous attaque par des faux apôtres qui se trouvent dans l'Église. Ces gens que Paul va parler un peu plus loin, qui se déguisent en anges de lumière, pour tromper les gens qui se retrouvent à l'intérieur de l'Église. Et à travers l'histoire, nous voyons que c'est le défi de l'Église. Je l'ai déjà dit, je le répète, le défi de l'Église, ce n'est pas de garder la moralité autant que de garder la doctrine bien établi. Car toute la moralité du monde ne pourra jamais plaire à Dieu. Mais si nous transmettons à nos enfants, à la génération qui vient, la doctrine apostolique, la doctrine biblique telle que reçue une fois par pour toutes, par l'Église de la main des apôtres et des écrivains du Nouveau Testament, nous avons accompli notre tâche. Donc, les faux apôtres s'attaquent à Paul, critiquent Paul, blâment Paul pour toutes sortes de raisons. On l'accuse d'avoir été sévère dans sa première lettre. On l'accuse d'être sévère dans ses écritures, mais moumoune, si je peux dire ainsi, quand il est là avec eux. Et Paul répond à leurs attaques continuellement. Donc, il faut faire attention. Paul, ici, va aider des chrétiens qui ont besoin pour continuer dans la vérité, dans la doctrine. On a vu ensemble la semaine passée, au chapitre 5, qu'il leur a parlé. Oui, il se peut que la vie soit difficile ici. Oui, nous allons souffrir pour Christ. Oui, peut-être nous allons mourir pour lui. Mais nous avons un domicile céleste qui nous attend. Un domicile qui a été fait de la main de Dieu. Ensuite, il leur a parlé qu'ils sont unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il dit que celui qui est mort et qui est ressuscité avec Christ par la foi ne vit plus pour lui, mais il vit pour celui qui est mort pour eux. Et cette nouvelle vie qui nous est accordée en Christ a transformé notre être intérieur. De mort que nous étions, nous vivons maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Pas premièrement dans nos actions, mais dans notre perception de Dieu, de Christ, de l'Évangile, de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons, qui va emmener des changements dans notre comportement. Et finalement, il dit, après nous avoir réconciliés avec lui, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et c'est là que l'apôtre Paul prend la suite de ses idées ce matin, dans le chapitre 6, et nous allons lire ensemble les deux premiers versets. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Nous travaillons avec Dieu. Si vous avez des Bibles différentes de la mienne, vous allez peut-être voir d'autres façons d'exprimer ça. Il dit, le mot « avec Dieu » n'est pas dans le texte original. Certains vont traduire « nous travaillons ensemble ». D'autres vont traduire « nous travaillons avec Dieu ». D'autres vont traduire « nous travaillons avec Christ ». D'autres vont traduire de façon que « nous travaillons ensemble, vous et nous ». Ou d'autres vont traduire « nous travaillons ensemble » comme Paul, apôtre, Timothée, Tite, Sylvain, nous travaillons ensemble. Mais je crois que peu importe la direction dans laquelle vous partez, je crois que les traductions sont généralement bonnes. Nous travaillons avec, que ce soit avec Dieu ou avec Paul ou avec les apôtres dans son ensemble, nous travaillons avec Dieu. Parce que dans les versets avant, il dit, nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous travaillons à réconcilier le monde avec Dieu, afin que le monde vive pour Dieu. Donc, l'apôtre Paul, il dit, puisque nous travaillons avec lui, avec Dieu, avec Christ, nous travaillons à une chose bien précise. Nous travaillons avec Dieu et non pas Dieu avec nous. Vous allez dire, c'est un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots important. C'est pas Dieu qui travaille avec moi dans ce que je veux accomplir. Mais c'est moi qui travaille avec lui dans son plan, dans son œuvre, dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est important, quand je suis engagé par une compagnie quelconque, de bien comprendre la philosophie de la compagnie, le but de la compagnie et les produits de la compagnie afin de travailler avec la compagnie ou les patrons qui m'ont engagé et qui payent mon salaire. C'est important. Donc, si je travaille avec Dieu, je dois bien comprendre qui il est, lui, ce Dieu-là, et quel travail il m'a confié. Donc, le travail qu'il m'a confié, qu'il m'a donné, le ministère qu'il a confié à Paul, et je crois aussi à toute l'Église, c'est de réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce que Paul avait dit au verset 20 du chapitre 5. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre travail. Le comment va varier d'une génération à l'autre, d'une église à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Dans le couple, ça va être différent. Mais nous travaillons tous à la réconciliation du monde avec Dieu. On le veut, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a sauvés, Pour celui qui nous a régénérés, pour celui qui nous a donné son Saint-Esprit, nous travaillons avec lui dans son plan de réconcilier le monde avec lui-même. C'est ça l'œuvre de l'Église. Et quand le monde se réconcilie avec lui, une personne à la fois, ces personnes-là se mettent à glorifier Dieu, à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu, et ils se mettent à faire la même chose que tous les autres avant eux, réconcilier le monde avec Dieu, afin de créer à Dieu un peuple de serviteurs et d'adorateurs. Nous travaillons avec lui. Donc, faisons attention. Il ne faut pas prendre Dieu pour notre serviteur et qui va nous aider à accomplir nos projets personnels, familiales, économique, sentimental, et même nos projets d'église. Des fois, il y a des églises qui vont avoir des projets, mais ces projets-là ne sont pas toujours dans la pensée de Dieu. Le projet peut être valable. Je veux réconcilier le monde avec Dieu. Mais le comment, ça c'est flexible, ça doit être laissé dans les mains de Dieu. On y va, on essaie un projet, ça marche pas, on laisse tomber, on en prend un autre. Ça c'est pas la Bible, les projets. Les projets c'est l'expression de ma foi. C'est comment je voudrais faire pour réconcilier le monde avec Dieu. Et donc ça, c'est pas être très individuel, très personnel. Et là, il dit, nous vous exhortons. Puisqu'on travaille avec Dieu, nous vous exhortons. Le mot exhorter, c'est le même mot là que dans le verset 20 du chapitre 5. Nous vous supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Wow! Oh, oh. Là, il y a différentes interprétations. Bien des interprétations différentes par rapport à ce texte-là. Il y en a qui disent ici, recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est être sauvé, mais ne pas travailler avec Dieu. On profite du salut, on était sauvé, mais Christ, c'est pas vraiment notre Seigneur, et là, on perd notre temps, on fait rien. On ne travaille pas avec Dieu à la réconciliation du monde avec lui-même. Mais on est sauvé quand même, mais c'est ce que ça veut dire, recevoir la grâce de Dieu en vain. Une deuxième interprétation, c'est recevoir la grâce de Dieu. Par le mot grâce de Dieu ici, l'auteur ne parlerait pas du salut, mais la grâce de travailler avec lui, la grâce d'œuvrer avec lui dans le ministère. Donc, il y en a qui ont reçu des dons pour travailler dans le ministère, mais ne le font pas. Et ils vont perdre certaines récompenses. Mais je crois pas que l'auteur va dans cette direction-là, personnellement. Pour moi, recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est d'entendre parler de l'Évangile, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est d'entendre parler de la vérité en Christ, du salut, de la mort de Christ, de l'Évangile de Dieu, de l'Évangile de Christ. J'en entends parler et je ne y adhère pas par la foi. Je la rejette, je la repousse, je ne la veux pas. Je repousse ceux-mêmes qui m'en ont parlé. Ou ce qui est plus peut-être fréquent dans l'Église en général, c'est que je reçois la grâce de Dieu en vain quand j'utilise la grâce de Dieu ou l'Évangile de Dieu à mes fins personnelles. Je veux être sauvé, je veux être pardonné, mais c'est pour moi, c'est pour satisfaire mes craintes, mes peurs, mes problèmes personnels, je veux les régler. J'utilise la grâce de Dieu non pas pour réconcilier le monde avec lui, non pas pour le service de Dieu, pour travailler avec lui, mais j'utilise la grâce de Dieu à mes fins personnelles. J'ai appelé ça souvent un évangile anthropocentrique. Je me convertis pour mon bien-être, pour mon salut à moi personnel, pour aller au ciel, mais que je meurs, pour pas aller en enfer. Moi, j'appelle ça recevoir la grâce de Dieu en vain. Je crois que ça rejoint la pensée de l'Ancien Testament, quand il dit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Ça veut pas dire que je vais sacrer, mais j'utilise le nom de Dieu, ses attributs, sa puissance et tout ce qu'il a, pour mes fins personnelles. J'utilise Dieu à mes fins personnelles. Ça, c'est d'employer le nom de Dieu en vain ou la grâce de Dieu en vain. Ce n'est pas la seule fois où ce que Paul parle de cela. Il en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 2, d'y avoir peur, d'avoir travaillé en vain. Il en parle aussi dans Galates à deux ou trois reprises. Galates 2, 21, 3, 4, 4, 11. Allez vérifier, arrêtez la vidéo, allez les lire les versets. Il dit, j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Il dit, si vous avez commencé par la grâce ou par l'esprit et vous terminez par les œuvres, j'ai travaillé en vain. Il en parle aussi dans Philippiens 2, 6. Il en parle aussi dans 1 Thessaloniciens 3, 5. Paul il dit, je vous ai parlé de l'évangile, je vous ai annoncé l'évangile, mais ça porte pas le fruit que ça devrait porter. Donc, j'ai travaillé en vain. C'est de mal utiliser la grâce de Dieu à ses fins personnelles. C'est de changer la vérité de la grâce de Dieu. Il dit, nous vous exhortons, parce qu'il est en train, là, de confronter l'Église avec les faux prophètes. Si vous allez vous adhérer aux faux apôtres, si vous suivez ces faux apôtres-là qui changent la vérité de Dieu en mensonge, je vais vous avoir annoncé la grâce de Dieu en vain. Vous allez l'avoir reçue en vain. Et combien d'Églises dans le monde et dans l'histoire de l'Église reçoivent la grâce de Dieu en vain? Ils ont la Bible dans les mains, mais ils l'utilisent mal. Ils la changent. Ils l'interprètent à des fins personnelles. Toutes les religions du monde veulent utiliser leur Dieu à leur fin. Le christianisme, c'est un peuple qui est au service de son Dieu et qui sert son Dieu dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans la maladie, dans la santé, dans la pauvreté, dans la richesse. On va y revenir, ça, dans les jours qui viennent. Je sers Dieu là où il me met dans les situations que dans sa souveraineté, il va emmener dans ma vie. Nous vous en supplions, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Notre bon Père du ciel, merci de nous encourager ce matin dans cette vérité d'utiliser la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ pour travailler avec toi à la réconciliation du monde avec toi-même, de te former un peuple d'adorateurs et de serviteurs et de servantes. Au nom de Jésus, amen.